Yo, ouais, ouais. Yo, on voit des hommes qui sont là. Article de faciès, yo. Ouais, yo, avoir des ambitions larges et voir le mauvais côté des choses. On m'a toujours dit dans cette vie, tu vis à 100 à l'heure, y'a pas de pause, pas de détente, ni de moment où tu vis seul. Juste des postiers en ombre qui pourtant les grandes gueules, hein. Pourtant le troublant, doublant, les plus grands détestent. Ce qui fait peine à voir quand on les retrouve en pièces. Détaché du monde, j'étais, je pouvais pas savoir que le microphone en main, je sortirais du noir. J'étais le seul partout qui rappait sur les scènes en soirée. Dans la salle, on se foutait de moi et au fond, on traitait d'enfoiré. J'ai cessé. Pas le rap, mais toutes ces ambiances glaciales, des scènes parisiennes où le public refusait la filiale. Les textes alors j'ai accumulé tout en progressant, j'enchaîne les morceaux et chacun est mieux que le précédent. On m'a toujours dit que le rap ne me sortirait de la mêlée, dans pas que le jour où je sortirais un album. Mes vois-tu, ils se sont trompés. Depuis mon premier texte, j'ai changé, j'ai même évolué, évolué dans ma façon d'être et de penser. J'dis pas que la vie est belle, mais le hip-hop la rend plus sensée. Sans ces gars tous autour de moi, mec, la fondation, j'serais dans un hall où t'es dehors en train de faire une répétition. Qui sait, qui peut savoir tout ça, qui peut valoir tout ça. Chercher à le savoir, ça fera mal comme un goût, ça secourait les entrailles, des pieds jusqu'à la tête, comme un middle en boxe-style qui causerait une défaite, yo. Tu connais mon opinion, je ferme couplet. On m'a dit que la vie était belle, pourtant regarde ce qu'elle est. On m'a toujours dit que la vie est belle, mais m'a toujours dit. Seul le microphone me pousse à rester en vie, à rester sage, avoir des ambitions trop larges m'aurait mené au large, homie. Je serais devenu, on m'a toujours dit que la vie est belle, mais m'a toujours dit. Seul le microphone me pousse à rester en vie, à rester sage, avoir des ambitions trop larges m'aurait mené au large, gars. Pour l'instant j'avance lentement, dans le hip-hop je marche à Yep. Mais pas à pas j'avance et dans deux ans, gros moi je ne ferai pas Dieppe. Une fois débarrassé des langues de pute au quotidien, on m'a toujours dit de me méfier de mon pote qui vient contre moi d'un secours sans prévenir, directement, directement. Et je dirais que c'est pire, mes faux amis, on m'a toujours dit bon métier. Mais comment faire quand même, puis à tes frères, tu ne peux plus te fier, chier sur autrui. La vie n'est plus si belle qu'avant, m'a dit hier et aujourd'hui. Les valeurs se perdent avec le temps, le hip-hop choque, mes potes se frappent au top rap. Versant derrière eux les imposteurs qui finissent, ils frappent, frappent du micro. Cela fait 3 ans déjà, depuis je me fais les crocs en espérant un jour toucher le fond planète. Évolution dans le rap et dans ma hip, c'est voyant comme un putain de gros graphe aux couleurs vives. Je drague ma goût, ma musique, à qui je fais la cour. Je parle comme les grands, mais c'est normal, maintenant je côtoie leur cours. Grâce à qui? À tous mes potes, tiens, mes homies. De demain sieste, ils ont vac à Sosa, son MC. J'avais pas été là, j'aurais pas rappé, ça serait devenu barge, mais à tout prix j'aurais pas raté ça. On m'a toujours dit et on me dira toujours que la vie est belle, que sous nos traces cache un peu d'amour. Le microphone brandit, gloire venue de l'underground, voix fine comme Brandy, Marine est bonne comme Foxy Brown. Qui se croyait, article mon pseudonyme. Le deux faciès débarque, je te mets en garde comme prochaine énigme. Ouais, je te mets en garde comme prochaine énigme. Hein, yo, comme ça se passe, deux faciès, yo. ARTIK, yo. On m'a toujours dit que la fille est belle, mais m'a toujours dit. Seul le microphone me pousse à rester en vie, à rester sage, avoir des ambitions trop larges m'aurait mené au large, yo. On m'a toujours dit que la fille est belle, mais m'a toujours dit. Seul le microphone me pousse à rester en vie, à rester sage, avoir des ambitions trop larges m'aurait mené au large, homie. Je serais devenu, on m'a toujours dit que la fille est belle, mais m'a toujours dit. Seul le microphone me pousse à rester en vie, à rester sage, avoir des ambitions trop larges m'aurait mené au large, yo. M'aurait mené au large.